m'entends? Qu'est-ce que tu as dû mettre à fond? Ah oui, bah oui. J'ai envie de dire des conneries, mais non, je me retiendrai. J'en ai assez dites, je crois, en fait. Voilà. Alors là, ça va faire du bruit, hein. J'entends tout craquer, on entend tout chez moi là d'un coup. Le parquet qui craque, on va entendre les voisins. Mais si je mets le curseur normal au milieu, j'entends rien. Mais moi j'entends tout chez moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que ce bruit? Ça va, Lily? Oui, tu es belle. Bah oui, tu es belle, ma grosse. Bah oui. Tu viens me voir? Tu viens me voir? Là. Elle a des choses nouvelles. Bah oui. Oui, mais moi je n'ai pas un micro pour la voix, j'ai un micro pour la percussion. Et voilà. Donc je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Je pense que tu m'entends. Plus que il me le faudra. Tiens, un petit peu de change de bord. Change de bord, change de bord. Non, ça, c'est quand on est au lit qu'on parle de ça. On change de bord, on change de côté. Mais ce n'est pas le cas. Bon, j'arrête avec mes conneries. C'est généralement. Change de mot. Le lit, je parlais, au bord du lit. Alors là, je fais péter les décibels là d'un coup. Oui, mais c'était pour dire. J'avais envie de dire une connerie. Bon, je suis obligé de baisser. Là. Bon, il va falloir que j'achète un deuxième micro. Hein. Quel popper! Hey! Hello! Je tente d'améliorer mon anglais. Karl Popper est un adepte des musiques. Spécial. Nous avons déjà fait quelques délires ensemble, bien sympathiques, et voire même je l'ai bercé une fois. Oui, c'est vrai. Je jouais, je crois que j'étais au djembé avec un. En musique africaine. Oui, je suis en train de te raconter l'histoire. Et puis lui était dans le salon, enfin dans la salle. Et puis il ne jouait pas. Et puis finalement, il m'a fait comprendre que il était, comment dire, ce qu'il entendait, ça lui plaisait bien et ça l'aidait à s'endormir car c'était l'heure pour lui de son dodo. Voilà, donc je lui ai joué une berceuse percussive, on va dire, sans double sens, n'est-ce pas, hein? Comment ça va, toi? Rien. Nous avons déjà passé des nuits ensemble, je te rappelle. Mais bon, ça sera à la discrétion de tous. Bah oui. tous les cas dans les débuts. Oui, je sais. Fais le tir. Dis que tu es outragé par ce que je suis en train de dire. Que je sais pas moi. T'es une femme, tu dois savoir faire ça. Voilà, par exemple. Mais sauf que ça, c'est pas enregistré. Il faudrait que tu le dises. Passe bien le son là. Je suis content là. Et les basses, on les entend bien là, comme moi je les entends. Ah, super, je suis content. Mais là, je sature, hein, je crois là. Si ton djembé fait un son pareil, alors là j'aimerais bien l'entendre. Tiens, voilà mon djembé. Alors ça c'est... Alors en fait j'ai deux djembés. J'en ai un en peau de chèvre, alors que j'ai installé sur un support. Il faut que je l'adapte. Alors le voici. Oh la vache. Voilà, les voisins ils sont au plafond là. Alors, ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un petit bâton de pluie. Tout mimi. C'est le bordel hein, chez moi. J'ai mon nouveau bongo. Parce que le mien, le dernier, était vraiment dans un piteux état. Et maintenant, j'ai le... Ah et puis alors, où est-ce que j'ai l'autre? Bah faut ranger, faut ranger, faut ranger. Oui, mais... Bon. Faut ranger, faut ranger, faut ranger. Bah oui, faut ranger. C'est pas toujours évident. Alors j'écoute de la musique indienne, moi, je crois. Yeah. se marre pas. Ce n'est pas drôle. Si, c'est drôle là. On s'en fout des métronomes, hein. On laisse tomber. Bon, moi j'ai mes maracas. Oui, c'est super, vas-y, continue. Que tu voudrais avoir, c'est un instrument. On dirait que tu viens de te faire égorger. Pourquoi tu dis ça? Bon, alors, bon, qu'est-ce que je vais dire? C'est une. De Nord-Afrique. C'est la... Ça va me revenir. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Celui qu'on a vu hier sur la vidéo, enfin hier ou avant-hier. Oui, la vidéo que tu m'as envoyée. Comment ça s'appelle, Dark. Le truc que je trouvais super sympa là. Voilà, c'est ça. Ouais, oh, ouais. J'ai perdu. Ah, j'ai plus de batterie dans ma pile. J'ai plus de pile dans ma souris. T'as plus de jus quoi. Ooh. c'est bien. Écoute ça. Tout va et moi. Okata, okata me. Oh, Instrument, mais génial. J'avais un sacré doute. Ouais, tu l'entends le piou? Ça fait comme ça. Bon alors, c'est quoi le lien que tu m'envoies là? Blup, blup, blup. Je pourrais mettre... je pourrais même y mettre de l'eau. Ah! Attends. Je regarde, non, non.